كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 6. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، أما بعد. آخر مسألة أخذناها في درسنا من كتاب الصيام شرح عمدة الأحكام في تبييت النية في صيام الفرض، أي كنت اسك الصائم من نية بور الفريضة، فما الجواب؟ نعم، قبل الفجر بالليل. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم، والصيام ça commence on a dit à partir du fajr, طلوع الفجر. Donc ce عمل faut النية. Et ce قول الجمهور est le قول الصحيح. هذا ما يتعلق بالفرض. أما النفل، تبييت النية في صيام النفل، صيام أو صوم التطوع، أي أن الصيام qui n'est pas obligatoire, recommandé، فهذا فيه تفصيل. صيام النفل un صيام مطلق، il veut jeûner un jour parmi les jours، est un صيام il n'est pas obligatoire لكن il a une فضيلة خاصة كالاثنين والخميس وأيام البيض أو les 6 jours de شوال. Donc on va faire un تفصيل dans les deux. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال، النبي صلى الله عليه وسلم il est venu voir عائشة، il est rentré chez elle يوم فقال هل عندكم شيء، il a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à manger، فقلنا لا، elle a dit لا، فقال صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم. نعم، et ça c'est pendant la journée، c'était pas la nuit. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني إذا صائم، donc il a commencé le siyam à partir de ce moment de la journée. Ça c'est pas un siyam obligatoire. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à manger. Ça serait siyam obligatoire, il n'aurait jamais demandé hada. Et dans une autre riwaya, fa inni sa'im. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi sharh al-Umda wa hadha yadull ala annahu ansha' as-siyam min an-nahar. Ça, c'est un dalil que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé ce siyam, qui n'est pas obligatoire, à partir d'un moment de la journée. Donc, la niyyah est à partir de ce moment. Avant, il n'avait pas l'intention de jeûner. C'est pour ça qu'il a dit à Aïcha alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hal indakum shay? Si Aïcha aurait dit na'am, il aurait mangé alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a su qu'il n'y avait rien à manger, il a mis l'intention et il a jeûné alayhi sallallahu alayhi wa sallam. شيخ الإسلام لأنه قال فإني صائم وهذه الفاء تفيد السببية والعلة فيصير المعنى إني صائم لأنه لا طعام عندكم. نعم، الفاء في اللغة العرب هنا فإني صائم أي سمونتر السببية والعلة كما قال شيخ الإسلام، أي la cause de mon jeûne c'est parce qu'il n'y a pas de nourriture، أي s'il y aurait de la nourriture il n'aurait pas jeûné. Donc ça montre qu'il a jeûné à partir de ce moment, et ce jeûne, c'est obligé d'avoir une niyyah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a l'intention de jeûner quand il n'y avait pas de nourriture. Tout ça fait siyam al-nafl. قال وأيضا فقوله إني إذا صائم وإذا أصرح بالتعليل من الفاء كذلك. Dans l'autre riwaya, فإني إذا صائم. إذا كذلك c'est pour montrer la cause. إذا أي parce qu'il n'y a pas de nourriture, je jeûne. هذا واضح. Ce dalil il est واضح حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم il a jeûné صيام نفل et la niya c'était pendant la journée et c'était pas la nuit comme ce qu'on a vu في صيام الفرض. وهذا قول الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، أي que tu peux jeûner un صيام recommandé et ta niya مثلا c'est à partir de 9h du matin 10h du matin 10h du matin, bichard, comme on va voir. Une condition, bien sûr, c'est que tu n'as pas fait une chose qui annule le jeûne avant. Maintenant, un wahid, il s'est levé, il a bu de l'eau. Ton mari arrivé à 9h du matin, 10h du matin, il ne trouve pas de quoi manger, oh, il veut jeûner et il dit, moi, je vais jeûner. Hadith Aïcha, Sahih Muslim, c'est une preuve. Là, les Annan Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas mangé. Kadhalik, celui qui est marié, pas de rapport, il n'a pas aucune chose qui annule un siyam. Enfin, celui qui se réveille matin au fajr, Thomas il est occupé, Thomas vers 9h du matin, il a toujours rien mangé, et il se dit, je vais jeûner aujourd'hui. Lillahi azza wa jal. Man sama yawman fi sabilillah ba'ad Allah wajhahu min nar 70 kharifa. Il se rappelle mitla hadi al-adilla et il se dit, je vais jeûner. Il est 9h, 10h, il n'a pas encore mangé. A fi hada al-hal, bien sûr, pas un siyam obligatoire. Un nafl yajouz. C'est ça le qawl sahih. Et c'est tarji' al-imam Abdel Aziz bin Baz, wa al-Sheikh al-Albani, wa al-Sheikh bin Uthaymeen, rahim Allah al-jami'. Et c'est le qawl sahih. Kadhalik sahha an jam'in min al-sahaba. Il y a des récits authentiques an ba'd al-sahaba, annahum, ils ont jeûné un siyam qui n'est pas obligatoire, recommandé, à partir d'un moment de la journée. Donc ils ont mis la niya à partir de ce moment. Saha an Abi Darda wa Abi Talha wa Hudayfa ibn al-Yaman wa Anas ibn Malik wa Muad ibn Jabal kama fi Musannaf ibn Abi Shayba wa Musannaf Abd al-Razza. Tout ça, il l'a cité Cheikh Muhammad ibn Hizam fi Ithaf al-Anam. Bien sûr, le tambir, on lit la parole d'Ibn Qudama fi al-Mughni, qala shartuhu. Et la condition de ce jeûne recommandé, tu commences à partir d'un moment de la journée. Et ça veut dire que la niya, tu ne l'auras pas mis avant le fajr. La condition, an la yakun ta'ima qabla niya, wa la fa'ala ma yuftur. Bien sûr, c'est qu'il n'a rien fait après le fajr qui annule as-siyam. Que ce soit les rapports avec sa femme, que ce soit boire, que ce soit manger. Qala fa'in fa'ala shay'an min dhalik lam yujzi'uhu as-siyam bighayri khilaf na'lamu. Ça n'a aucun khilaf. D'après les connaissances de Ibn Qudam, rahmatullah alayhi, annahu, il ne peut pas faire siyam fi hadha al-hal. S'il a bu, il a mangé, ou une autre annulation de siyam, il ne peut pas mettre niya en pleine journée. Là, il ne peut pas jeûner, li annahu aslan, il a mangé, ou il a bu. Qal shukhul al-Athaymin, rahmatullah alayhi, walakin, hal yuthab yawm kamil, ou yuthab min al-niya. Ça, c'est une précision. Est-ce qu'il a la récompense de la journée entière? Ou il est seulement récompensé, mathalan, il a commencé à 10h du matin. Fait le haqiqa, il n'a pas mangé toute la journée depuis le fajr. Lakin, son intention, ça a commencé à 10h du matin. Il a eu l'intention de jeûner. Est-ce qu'il est récompensé de 10h du matin jusqu'au ghurub, ou il est récompensé toute la journée du fajr? Il y a un khilaf avec les ahl al-ilm. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, fi hadha qawlan lil ulama. Les ulama, ils ont deux avis. الأول القول الأول أنه يثاب من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار. Premier قول dit il est récompensé. لأن الصيام شرعي c'est du fajr jusqu'au ghurub. Et lui il a pas mangé. La حقيقة il a jeûné toute la journée. لكن l'intention elle est venue après. هؤلاء disent il est récompensé toute la journée. القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط. Deuxième قول أنه il est récompensé à partir de la نية. لماذا لأن avant il n'avait pas de niya. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Chaque personne il a la récompense par rapport à sa niya. Parce qu'il fait لله c'est لله. Si c'est pas لله il a pas de récompense. قال فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم. S'il commence son intention il l'a mis à partir du dhuhr, il a la récompense de la moitié de la journée du dhuhr jusqu'au ghurub. وهذا القول هو الراجح هكذا قال شيخ ابن عثيمين نعم c'est ça الراجح انه il est récompensé par rapport à sa niya لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال شيخ ابن عثيمين وهذا الرجل لم ينوي الا اثناء النهار فيحسب له الاجر من حين نيته نعم donc il est récompensé au moment de sa niya. Deuxième تنبيه قال شيخ ابن عثيمين في شرحه على بلوغ المرام وهذا في النفل المطلق. C'est la précision qu'on a fait au départ. Ça c'est في النفل المطلق أي il jeûne un jour في سبيل الله. أما المعين فإنه يصام كما يصام الفرد من أول النهار. أما un صيام qui est recommandé لكن il est recommandé pour une raison précise. On va donner l'exemple des 6 jours de شوال. فَهَذَا لَا بُدْ كِلَا لَنِيَ au départ. Pourquoi? Parce que la récompense des 6 jours de Shawwal, c'est sur les 6 jours de Shawwal. أَمَا سِيمِ لَنِيَ après, il n'a pas jeûné les 6 jours. Il a jeûné une partie des 6 jours. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم قال مَنْ صَامَ سِتًا أي مِنْ شَوَّلَ أي بَعْدَ رَمَضَانَ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc, Hada, il n'a pas jeûné les 6 jours, il a jeûné une partie. Donc, pour les jours où le siyam il est recommandé, comme les 6 jours de Shawwal, comme Arafah, comme Ashura, Hada, la bud la niya, elle soit avant le Fajr. Comme ça, tu as la récompense due de ce jour. Le prophète il a cité une récompense. Ka Arafah, Anahu, ça, Allah il pardonne tes péchés. C'est un Shawwal, c'est comme si tu avais jeûné tout le temps, etc. قال شيخ ابن عثيمين إنسان يريد أن يصوم ستة أيام من شوال فلا بد أن ينويها من قبل الفجر ولا يصح أن ينويها في أثناء النهار ولو صح النفل المطلق. أما si veut la récompense des 6 jours, dans ce cas-là, il doit avoir la niya avant le fajr. Comme ça, il fait 6 jours complets. هذا كلام طيب. أصلا ces 6 jours, c'est pas obligatoire. Laquelle on parle pour avoir la récompense. Pour avoir la récompense de ce fadl al-mu'ayyan, 6 jours, tu dois jeûner 6 jours. Et hada adam, c'est wadih. Fait une différence entre le nafl al-mutlaq et le nafl al-muqayyad al-mu'ayyan. Une autre mas'ala par rapport à niyya. Hal yalzam niyya li kulli yawm ala hida, am yakfih niyatun wahida li shahri ramadan. Al-ulama, il cite beaucoup cette mas'ala fi kutub al-fiqh. Est-ce que ta niya, tu dois l'avoir toutes les nuits, et pendant Ramadan, avant le Fajr, chaque jour, maintenant lundi, avant le Fajr, tu as la niya de jeûner lundi, mardi, tu as la niya, chaque jour. Ou, yakfi niya wahida, une niya, dès que tu as l'information que Hilal Ramadan il est apparu, donc le char Ramadan il va commencer, tu as l'intention que tu vas jeûner tout le monde. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في الشرح الممتع وبناء على ذلك اي وجوب النيه في كل يوم اولا on va citer un kalam de Cheikh ibn Uthaymeen pour te montrer l'importance de ce khilaf et ça va impliquer des choses. قال لو ان رجلا نام بعد العصر, si un homme il dort après l'asr, et ça arrive, واحد il a pas dormi depuis un certain temps ou il a beaucoup travaillé. Une cause parmi les causes, il s'est endormi بعد العصر. في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر. Et il se réveille après الفجر. Donc toute la nuit il a dormi, il n'a pas pu avoir ماذا? النية. لأن tu dors, dès que tu dors, tu peux pas avoir النية. قال لم يصح صومه ذلك اليوم. أي pour ceux qui disent qu'il faut absolument mettre l'intention chaque nuit et avant le Fajr, pour eux, un siyam, il n'est pas valide. Pourquoi? Non, parce qu'il n'avait pas la niya. Pour ceux qui disent qu'une niya, elle suffit pour le début de Ramadan, pour eux, son siyam, il est sahih. Il a l'intention de jeûner tout le mois. Et ce jour, il fait partie du mois. Donc, c'est ça. Cette surah, elle te montre l'importance de ce khilaf. Qala لم يصح صومه ذلك اليوم لأنه لم ينوي صومه من ليلته. Ça c'est l'exemple qui donne Cheikh ibn Uthaymeen. وهذا الذي ذكره المؤلف أي صاحب زاد المستقنع أي صاحب الزاد, le livre qu'il a expliqué Cheikh ibn Uthaymeen في الشرح الممتع, c'est زاد المستقنع. يقول أي صاحب الزاد يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. نعم أي ça c'est un قول عند الحنابلة, les savants du madhhab hanbali, en بعضهم يقول toutes les nuits tu dois avoir la niya. Donc pour eux c'est wajib. قال شيخ ابن عثيمين وهو المشهور من المذهب. لكن الإمام أحمد il a deux قول. Il a un قول كذلك, il dit une niya ça suffit. كذلك ce قول on précise avec il faut la niya toutes les nuits avant le fajr pour chaque jour, c'est قول l'imam Shafi'i et قول Abi Hanifa. Et c'est قول الجمهور. La plupart des savants ils sont à la هذا, en toutes les nuits il faut une niya. قال شيخ ابن عثيمين وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله. Des autres imams, ils ont dit que ça suffit une niya au début du mois. ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. Bien sûr, avec cette condition. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'une niya au début du mois, bien sûr, si les jours ils sont enchaînés, ils sont suivis. Amma, il y a une coupure. Il a voyagé matalan une semaine. Il n'a pas fait siyam pendant cette semaine. Il a le droit, comme on va voir. Ah oui, il est tombé malade 3-4 jours, matalan. في هذا الحال après cette durée où qu'il a pas pu faire un siyam, il remet un niya, لأنه il y a une coupure. أما s'il n'y a pas de coupure, la première niya elle suffit. Ça c'est un qawl. C'est qawl l'imam Malik rahmatullah alayhi. C'est une riwaya an Ahmed. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال المشهور من المذهب. C'est ce qui est connu du madhhab Hanbali. Wa illa فالإمام أحمد il a un autre qawl. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى رجح هذا القول قال الشيخ ابن عثيمين وهو الأصح أي صحيح c'est la vie correct أنه أنية السفي لأن المسلمين جميعا قال الشيخ ابن عثيمين لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أن أو أنا ناوي الصوم من أول الشهر إلى آخره صحيح عادة الناس c'est sur ça. Dès que Siyam vient, ils ont l'intention de jeûner tout le mois. Donc cette intention, Inch'Allah, elle suffit. كذلك, في الحقيقة, ce khilaf, pour celui qui se lève fi sahur, le fait de se lever fi sahur, comme on va voir Kalam ibn al-Mulaqqin, rahmatullah alayhi, dans les bienfaits du sahur, في الحقيقة, celui qui se lève pour le sahur, il s'est levé pourquoi ? Pour manger. Pourquoi il mange ? Parce que la niya de jeûne. Si tu te lèves pour sahur, tu t'es levé, tu te prépares, tu manges. Pourquoi ? Parce que tu vas jeûner. La preuve, c'est que quand tu fais pas siyam, tu prends pas sahur. En général, tu manges pas. Tu te lèves pas pour manger. Ça arrive que tu te lèves la nuit et tu manges. Lakin, te lever spécialement avant le fajr et tu prépares. Ben, certains, ils préparent leur sahur avant de dormir. Toute cette préparation, c'est une niya pour ce qu'il va jeûner. Avec l'haqiqa, celui qui se lève, il a niya. Lakin, on revient à l'exemple, ça peut arriver, tu t'es endormi avant le maghreb. Avec l'haqiqa, l'insan, il doit faire attention. Il y en a celui qui dort avant le maghreb et il se réveille au fajr, il n'a pas fait le maghreb, il n'a pas fait l'isha à l'heure. Lakin, si ça arrive une fois, de temps en temps, et il y a une cause, la fatigue, ou il n'a pas dormi pendant un certain temps, فهذا inshallah il est excusé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré man nama an salatihi fa il fait salat quand il se rappelle. Celui qui dort ou qui oublie une salat, il l'a fait quand il se rappelle ou quand il se réveille. Ça te montre anna ce khilaf fi al-haqiqa, on a dit si tu te réveilles au sahur chaque nuit tu as l'intention. Lakin ça peut arriver ce cas si tu dors ou une personne que tu connais elle dort et toute la nuit donc il n'a pas pu mettre niya, tu sauras que son siyam, s'il se lève, tu lui dis jeûne. Ou si c'est toi, tu jeûnes. Ton siyam, il est sahih, léanna, tu as eu l'intention au début du mois de faire tout le mois. Donc pourquoi annuler ce jour alors que tu avais l'intention ? Hada huwa as-sahih. Kadhalik, ceux qui disent qu'il faut chaque jour un niya, leur qawl il est basé, anna, chaque jour c'est une ibadah. Donc ils disent qu'une ibadah, il faut un niya. Innama l'amalu bin niya. Cheikh al-Islam il aura répondu rahmatullah alayhi fi sharh al-umda qala wa kawn al-fasad yahtass bi ba'dihi idha sadafahu la yamna' kawn ibadat kawnihi ibadatun wahida kal hajj. Eux disent que si tu mets pas le niya pour ce jour, le jour il est pas bon. Pourquoi? Parce que chaque jour c'est une ibada. Cheikh al-Islam il dit là, il dit tu peux avoir une ibada, il va citer l'exemple du hajj, qala fa innahu yashtamil ala ihram ووقوف وطواف وسعي ثم هل أو فساد الطواف لكونه على غير الطهارة bien sûr على قول ceux qui disent qu'il faut الطهارة pour الطواف يا خلاف بين أهل العلم لكن si il fait الطواف مثلا sans avoir fait الوضوء على قول qu'il faut faire الوضوء on dit que son طواف il n'a pas été accepté مثلا est-ce que ça veut dire que tout son حج il n'est pas accepté là ça te montre que le حج c'est une عبادة واحدة. فَهَكَدَ الصِّيَامِ c'est une ibada wahida. Même si dans un jour il n'a pas mis de niya, ou si un jour il est invalide, مثلاً. Est-ce que ça annule tout son siyam? لا. هذا c'est ça صحيح. قال أو قد اخترق الحجر ونحو ذلك لم يتعدى الفساد إلى غيره ومع هذا فهو عبادة واحدة. مع هذا c'est une ibada wahida. Et ça ne veut pas dire que si tu as un manquement dans le hajj, tout ton hajj il est batil. Donc ça montre que une niya takfi. Pour le hajj, une niya takfi, alors qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tawaf, il y a l'ihram, il y a l'wukuf fi arafa, il y a l'rajm, il y a beaucoup de choses. Mais une niya au début du hajj. On a une niya de faire le hajj. Il y a plusieurs jours. Lakin, le sahih, c'est qu'une niya takfi, wallahu a'lam. فهذا ما يتعلق بالنية. Il y a des autres مسائل, ils ont cité les ulama, لكن إن شاء الله on essaye de faire باختصار des مسائل simples, et حتى nos frères débutants إن شاء الله ils comprennent. Et dans des autres livres que Sharh Bulugh al-Maram ou bien sûr les al-Mutawwalat al-Mughni ou al-Majmou' al-Nawawi et Fath al-Bari al-Hafidh ibn Hajar et tous les shuruh de al-Bukhari wa Muslim, yadhkurun des masail, lakin nahnu naktafi bihada inshallah fihi khayr wa baraka ay ma yata'allaq bi an-niyya. Qala al-Hafidh Abd al-Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi an Anas ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم. Donc الحافظ عبد الغني المقدسي dans son livre عمدة الأحكام, après avoir cité ما يتعلق بالهلال, et نحن كذلك on a cité des choses par rapport à النية, لأن الصائم quand il voit الهلال il doit mettre après النية pour Ramadan, donc on a cité. الآن une autre étape, c'est السحور. Et السحور, c'est le repas en fin de nuit. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام السحور بفتح السين, لأن السحور بالفتح أي السحور بالضم. السحور ما يتسحر به, أي c'est الأكل, c'est le repas lui-même. مثل الطهور, c'est الماء. قال وبضمها الفعل. السحور c'est l'action, أي le fait de manger, c'est pas le repas. Donc السحور c'est le repas, السحور c'est le فعل, أي le fait de prendre ce repas. مثل الطهور والطهور. الطهور c'est le ماء, الطهور c'est le fait de faire les ablutions. Ça c'est une فائدة في اللغة. قال وهذه البركة تسحروا فإن في السحور بركة. Donc السحور c'est le repas, on a dit le repas avant al-fajr est pour as-siyam, celui qui veut faire as-sawm. Qala al-hafidh ibn daqiq al-eid wa hadhihi al-baraka tasahharu fa inna fi as-sahur baraka. Al-baraka c'est thubut al-khayr fi shay, c'est qu'il y a du khayr, il y a du naf'. Allah subhanahu wa ta'ala il a mis du khayr dans cette chose, cette baraka. Qala wa hadhihi al-baraka yajuz an ta'ud ila al-umur al-ukhrawiyya. Donc cette baraka, c'est des profits, un profit pour l'akhira. قال فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته. Donc t'as appliqué cette sunna, pourquoi tu manges anta? Pourquoi? Parce que comme c'est dit, as-sahur c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Lakin vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit tasahharu, toi tu manges, pourquoi? Pour appliquer cette sunna. Donc t'es récompensé. Et la récompense c'est al-baraka, c'est min al-baraka. قال ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كذلك يد لا بركة pour rapport à الدنيا. قال لقوة البدن على الصوم. نعم, لأن tu vas profiter, ton corps il va profiter de ce repas pour الصيام. قال وتيسيره من غير إشحاف به. كذلك ce sahur il va te faciliter, tu vas faire cette journée, tu vas pas manger, tu vas pas boire très facilement avec le sahur. Pourquoi? Parce que juste avant de commencer tu as mangé et tu as bu. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Donc, al-sahur, il y a baraka par rapport à ton din, t'as appliqué ce sunna, t'es récompensé, et une baraka par rapport à ton corps, hey, tu le prépares, tu manges, tu bois, avant que tu t'abstiennes pendant toute cette durée, min al-fajr ila al-ghurub. Ibn al-Munaqqin, rahmatullah alayhi, son sharh, i'lam, al-i'lam bifawaid, amdat al-ahkam, c'est ahsan al-shuru' ala amdat al-ahkam, il est vaste. Et il a cité beaucoup de fawaïd dans son sharh al-mujallad al-khamis kitab al-siyam. Et dans ce hadith Anas, il a cité plusieurs fawaïd. Qala wa hasilu al-baraka fi as-sahur yatanawwa' anwa'an. Plusieurs points il va te montrer la baraka qui est dans le sahur. Qala awwaluha ittiba' as-sunnah wa al-iqtida'. Première baraka, ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fihi khayr wa baraka. كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام c'est parmi les causes pour rentrer في الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la baraka. Dans ce suivi, il y a de la baraka azima pour ton dire. Deuxièmement, mukhalafatu ahli al-kitab fi ziyada fi al-akl ala al-iftar. كذلك c'est une mukhalafa li ahli al-kitab. Et c'est une faïda azima pour toi, akhi al-muslim, anna mukhalafat ahli al-shur, ahli al-kufr, ahli al-bid'a, c'est dans cette mukhalafa il y a de la baraka. Fais tout pour ne pas ressembler à haoula al-a'da. Bien sûr, dans des choses qu'il leur est réservé. Amma, comme يقول Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi, si un Yahoudi ou un Nasrani dit Allah il est fils de Sama, on ne va pas le khalif. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves du Coran et de la Sunna qu'Allah il est fils de Sama. A'amintum man fils de Sama. Hadith al-Jariya, hadith Muawiyah ibn al-Hakam, al-Sulami, Aïn Allah qalat fils de Sama. Et ijma' ahl al-Sunna, Allah il est fils de Sama. Donc, al-mukhalafa, c'est dans des choses qui sont khas pour eux. Matalan, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith Abdullah ibn Amr. فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أهل الكتاب أكلة السحر أي أهل الكتاب يفز الصيام sans prendre le repas du sahur. نحن les خالف et en suivant notre prophète صلى الله عليه وسلم on prend ce repas et il y a de la baraka dans cette مخالفة. Troisièmement التقوي به والنشاط للصوم صيام الصبيان أي Ibn Daqiq al-Aid, il l'a cité ce point. C'est pour se renforcer, pour être prêt, ton corps. Khassatan fi al-sayf. En été, les journées sont beaucoup plus longues. Ton corps, il aura besoin d'eau. Enfin, si tu bois avant et tu manges bien, vu que la longueur, la durée, elle est longue, tu as besoin du sahur. Beaucoup plus qu'en hiver. Kadhalik Ibn al-Munaqqin, il cite aussi bien les enfants. Si tu entraînes ton enfant à faire siyam, on l'a vu au début des durus, annahu c'est afdal as-sahaba yfazi hakada. Bien sûr, s'il a la capacité, lakin il cède avec le repas du sahur. Cinquièmement, khamisuha at-tasabbub li dhikrillah wa ad-du'a wa ar-rahma fa innahu waqtun lil ijaba. At-tasabbub li dhikrillah wa ad-du'a wa lir-rahma fa innahu waqtu al-ijaba sahih. Ce waqt, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حديث النزول المشهور ينزل ربنا في آخر ثلث الليل الله descend le dernier tiers de la nuit فيقول من يدعوني فأستجيب له. Ce moment c'est un moment فيه الخير والبركة, le dernier tiers de la nuit. Donc toi en prenant ton sahur tu vas dire bismillah, tu vas manger, tu auras du temps en mangeant, tu peux faire du dhikr, tu vas te rappeler, tu vas lire le Coran. Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir mangé. En général, il reste un peu de temps pour le fajr. Ce temps, t'en profites. T'es réveillé, t'es réveillé. Surtout ne pas redormir après le sahur. Pourquoi? Les anna, si t'as pris le sahur juste avant le fajr, si tu redors, tu risques de manquer le fajr. Et surtout après avoir mangé, khasatan après avoir mangé beaucoup, le sommeil, il est très lourd. Al-hadar min hada. Beaucoup de muslims, ils manquent salat al-fajr fi Ramadan. Les anna, ils dorment après le sahur. Si tu t'es réveillé, فالأفضل, comme on va voir, c'est sahur, laisse-le le dernier tiers de la nuit. Et c'est ça, le sahur. Le sahur, c'est le dernier tiers de la nuit. C'est la fin de la nuit. Et, inshallah, après avoir mangé, il te restera un peu de temps, s'il reste du temps. T'en profites, tu fais al-dhikr wa al-du'a. لأن الله سبحانه وتعالى ينزل, et il répond. Et ça, ça fait partie de le baraka que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans le hadith Anas. Sadisuha, sixième point. التسبب في حسن الخلق. Et ça c'est ملاحظ. نعم. الواقع montre هذا. C'est une cause pour avoir un bon comportement. لأن إذا جاع ربما ساء خلقه. نعم. لأن si la faim et le siyam, خاصة en été, les journées sont longues, ربما il aura un mauvais comportement à cause de la faim. أما s'il a bien mangé, inshallah, la journée sera beaucoup plus simple. Septièmement, تجديد نيتي الصوم. La mas'ala qu'on vous avait dit, Ibn Mulaqqin, il en a parlé par rapport à niya. تجديد نيتي الصوم. Aïe, ça permet de mettre niya. Et on a déjà dit, niya, c'est pas une parole. T'as rien à faire de spécial. Niya, c'est le cœur. Lakin, le fait de préparer sahur et de manger, c'est parce que tu vas jeûner. C'est ça, niya. قال Ibn Mulaqqin, rahimahullah, فيخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام ثم تنبه. Avec ce sahur, tu vas sortir du khilaf. Ceux qui disent, il faut absolument maintenir chaque nuit avant le Fajr, un temps prenant le sahur, tu sors de ce khilaf. Et si tu as choisi l'autre qawl. Et on répète que al-qawl al-sahih, c'est que la niya au début, takfi, kama bayyana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Hada ma yata'allaq bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam tasahharu fa inna fi as-sahur baraka. Donc as-sahur yad la baraka. Qawluhu tasahharu, c'est un ordre. Et fil usul, tu apprends que la base dans les ordres, c'est que c'est obligatoire. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne un ordre. Tasahharu. Est-ce que as-sahur c'est obligatoire? Qala al-imam Ibn al-Mundhir rahmatullah alayhi fil ishraf ajma'u ala anna as-sahur mandub ilayhi mustahab wa la ithma ala man taraka. Ijma' al-ulama, l'unanimité des savants, anna as-sahur c'est pas obligatoire. Celui qui le délaisse, il a commis aucun péché. Lakin Akhil Karim, toutes ces barakat qu'il a cité Ibn al-Mulaqqin, profites-en. C'est un bien pour toi. Et ça va te faciliter ton siyam. Tu vas voir que si tu prends sahur, un siyam c'est très très simple. Kadhalik ya ajr adhim. Enfin, ne te prive pas. Na'am, li anna ba'dahum, rubbama ils entendent cette chose à leur recommander, ils comprennent, il faut la délaisser. C'est pas obligatoire, donc je ne la fais pas. Là, fais dunya, si on te propose un salaire, on te propose du rajout, tu dis jamais non. Sahir. Ton patron, il te propose un salaire obligatoire par rapport à tes efforts. Thomas, il te rajoute, tu dis jamais non. Et c'est normal. Pourquoi? Par rapport au din, on dirait non. Ya akhi, c'est du plus. Rubbama yawm al-qiyama tahtaj ila hasana. T'as besoin d'une hasana, rubbama. Et tu espéreras une hasana. Donc profites-en. Des hasanas très simples. قال ابن قدامة رحمه الله عليه في المغني لا نعلم بين العلماء خلافا في استحبابه يا aucun خلاف entre les علماء انه هو مستحب بقي قوله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تسحر ان ordre et on sait que nous la base dans les ordres c'est l'obligation اولا الاجماع c'est une حجه العلماء ils sont unanimes انه c'est pas obligatoire donc tu es obligé de comprendre تسحر انه c'est un امر للاستحباب. C'est un ordre, recommandé, pas obligatoire. L'Anna Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, la tajtami' ummati ala dhalal. La umma se réunira jamais sur un égarement. Donc, si l'unanimité plutôt des savants, ils ont dit c'est recommandé, c'est que c'est recommandé. On cite كذلك un autre hadith. Hadith, rawah an-nasa'i, an rajulin min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dakhaltu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yatasahhar. Il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prenait le repas du sahur. Faqala innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. C'est une baraka qu'Allah vous a donné, ne le délaissez pas. Ça va renforcer une personne qui va penser mais pourquoi on dit que c'est pas obligatoire? On répète l'ijma' il suffit. Kadhalik al hadith il est sahih. Cheikh Mourbi l'a cité fil jami' al sahih. Kadhalik qala al hafid ibn Hajar rahmatullah alayhi fi sharh في شرحه لحديث ابن عمر في ذكر الوصى أن النبي صلى الله عليه وسلم et certains compagnons ils jeûnaient sans interruption. Maintenant ils jeûnaient lundi du Fajr jusqu'au Maghrib, du Maghrib jusqu'au Fajr jusqu'au Maghrib, ils jeûnaient deux jours avec la nuit. Ça veut dire qu'ils ne prenaient pas de sahour. Ça serait obligatoire, ils n'auraient jamais délaissé le sahour. قال الحافظ après avoir cité ce hadith et la cité كذلك hadith Anas قال فدل على ان السحور ليس بحتم اي c'est pas wajib لان النبي صلى الله عليه وسلم l'a délaissé. Ça te montre et c'est une règle dans le fiqh ان si النبي صلى الله عليه وسلم il ordonne une chose et il la délaisse dans un autre hadith, ça te montre que l'ordre c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Et ça vous les verrez ce genre de règle dans كتب الاصول. قال اذ لو كان حتما ما وصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور. نعم. Vu qu'ils ont jeûné sans interruption, même la nuit, ça montre qu'ils n'ont pas pris السحور. كذلك بعض العلماء cite comme exemple أن النبي صلى الله عليه وسلم il a montré qu'il fallait pas boire debout. عليه الصلاة والسلام. Et il a bu debout. C'est ثابت أنه il a bu debout. Ça te montre que c'est déconseillé, c'est pas interdit. Ça c'est des règles. Un النبي صلى الله عليه وسلم s'il ordonne ou il interdit une chose, Thomas il l'a fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ça te montre que cet ordre c'est recommandé, ou ce nahi, c'est pas interdit, c'est déconseillé. Mais pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait? Pour démontrer à la umma que c'est pas obligatoire, ou c'est pas interdit, c'est une facilité. Ce din il est yusr. وذهب الوقت إن شاء الله le prochain hadith hadith Anas ibn Malik an Zayd on finira ma yata'allaq bi as-sahur ay le temps à quelle heure sahur ça commence à quelle heure il doit arrêter de manger كذلك il doit manger quoi ou est-ce qu'il y a des choses recommandées à manger ou c'est quoi le minimum pour être compté avoir pris sahur toutes ces masail inshallah ta'ala on les prend dans le prochain dars. والحمد لله رب العالمين